الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه. وقال جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. متفق عليه. نصيحة المسلم لأخيه المسلم من أرفع الطاعات درجة، وأكثر القربات أجرا، وأشد العبادات إصلاحا للمجتمعات. إن النصيحة من حقوق المسلمين المتأكدة على بعض، لا سيما إذا طلبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إن نصيحة المسلم لأخيه المسلم بالكلام أو الكتابة إذا رأى منه خطأ أو تقصيرا أو ظلما أو ضلالا أو انحرافا في عقيدته أو عبادته أو بيعه أو مهنته أو أخلاقه أو صحبته، لتدل على حسن السريرة وبعد القلب عن أمراض الحقد والحسد، وبعد القلب عن أمراض الحقد والحسد، ومحبة الخير للناس، وقوة الإيمان، وجميل التربية، وشديد الرحمة، حيث أحب لأخيه من الخير ما أحب لنفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومما والحديث متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومما يتأكد على الناصح أن يكون رفيقا في النصح، متجنبا التعنيف والقسوة في كلماته ولفتات وجهه، حتى ينتفع الناس بنصحه ويعظم أجره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نفعني الله وإياكم بآيات كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، chers musulmans, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: la religion c'est le conseil pur, le conseil sincère, le conseil donné par véracité. Nous avons dit envers qui, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les gouvernants musulmans, ainsi qu'envers la masse, tout le restant des musulmans. Le hadith rapporté par Muslim, d'après Tamim ibn Aws al-Dari, radiallahu anhu. Et l'honorable compagnon Jalil ibn Abdillah al-Bajali, radiallahu anhu, a dit: j'ai fait l'allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de conseiller tout musulman. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Le conseil du musulman envers son frère en islam fait partie des actes d'obéissance les plus élevés en degré. Et parmi les moyens de se rapprocher d'Allah qui comporte le plus de récompenses. Et parmi les adorations les plus grandes pour réformer la communauté. Le conseil fait partie des droits des musulmans. Et celui-ci est encore plus demandé lorsque ton frère te demande, te réclame le conseil. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le droit du musulman envers le musulman sont au nombre de 6. Les droits du musulman envers les musulmans sont au nombre de 6. Et il cita alayhi salatu wa sallam: et lorsqu'il te demande conseil, alors conseille-le. Rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu. Certes, le conseil du musulman envers son frère en islam, que ce soit par la parole ou aller par l'écrit, lorsqu'il voit son frère commettre une erreur, lorsqu'il voit son frère ayant faibli, ayant eu une négligence, lorsqu'il voit son frère opprimé, faire un mal, lorsqu'il voit son frère tomber dans l'égarement ou dans une déviation, que cela concerne sa croyance, son adoration, que cela concerne son commerce, son travail, que cela concerne son comportement, que cela concerne aussi ses amis et les copains et sa fréquentation, ce conseil donné lors de ces moments-là fait preuve d'un bon fond de cette personne qui donne le conseil et d'un éloignement de son cœur de toutes les maladies mauvaises comme l'animosité ou la jalousie. Aussi, ceci prouve l'amour qu'il a envers les gens et la forte foi qu'il a dans son cœur et la belle éducation qu'il a, ainsi que la forte clémence et miséricorde qu'il a envers les gens. Il aime pour son frère comme bien ce qu'il aime pour sa propre personne, comme cela a été authentifié dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et parmi les bons comportements demandez à celui qui donne le conseil, c'est qu'il soit doux et tendre dans son conseil, qu'il s'éloigne de toute forme de violence, de dureté dans ses paroles ou dans les traits de son visage, juste pour que les personnes qui sont conseillées bénéficient de ce conseil, que ce conseil leur soit utile et qu'il leur facilite la tâche pour qu'ils l'acceptent. Et en même temps, il gagnera, cette personne qui vient à conseiller de la bonne manière, beaucoup de récompenses. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes Allah est doux et il aime la douceur. Et il donne ce qui est demandé ou fait avec douceur, comme il ne donne pas lorsque ceci est fait ou demandé avec dureté. Allah, exalté soit-il, élevé soit-il, nous dit en décrivant le noble comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du verset, et c'est de par une clémence, une bonté, une douceur, et c'est de par une clémence d'Allah que tu as été doux et tendre envers eux, envers les compagnons. Et si tu as été une personne dotée d'un cœur dur, ils ne seraient pas restés autour de toi. Allahumma ruddana ila dinika al-jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Waffiqna Allahumma liman tuhibbu wa tardah wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن